la voûte des feuilles endormies. Les arbres s'adonnent à quelques rêveries. Lorsque la forêt sera verte et fraîche, et que le vent viendra de l'ouest, reviens à moi, reviens à moi, et dis que ma terre est la meilleure qui soit. Ah, reviens à moi, reviens à moi, et dis que ma terre est la meilleure qui soit. Les arbres alors se réveillent lentement, en entendant les coups sourds d'une hache. Et un étrange chêne se met alors en marche, voulant combattre ces étranges bruissements qui l'empêchent de dormir librement. La voûte des étoiles alors s'éveille. Des milliers d'arbres emplis de haine, voyant leurs frères s'effondrer à terre, ils s'en vont pour leur propre guerre. Le tourment depuis longtemps passé, les arbres ne veulent plus être réveillés. Par la main des hommes, les arbres sont tombés, et le chêne ne s'est plus jamais relevé. Reviens à moi, reviens à moi, et dis que ma terre est la meilleure qui soit. Ah, reviens à moi, reviens à moi, et dis que ma terre est la meilleure qui soit. Les feuilles de la forêt bruissent alors dans le vent. Lorsque la forêt sera verte et fraîche, et que le vent viendra de l'ouest, reviens à moi, reviens à moi, et dis que ma terre est la meilleure qui soit. Ah, reviens à moi, reviens-moi, et dis que ma terre est la meilleure qui soit. Reviens-moi, reviens-moi, et dis que ma terre est la meilleure qui soit. Ah, reviens-moi, reviens-moi, et dis que ma terre est la meilleure qui soit.